Très, très. Oui, envers tous les vieux combattants de 14, tout ça, les mecs. Moi, je préférais ces vieux combattants de 14 et tout que les pieds noirs.